Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps. Attachez vos ceintures. Mars 1831, abolition en France du commerce d'esclaves. Signature d'un accord entre Gandhi et le vice-roi des Indes. Il prévoit la libération des prisonniers politiques et permet que le sel soit librement utilisé par les couches les plus pauvres de la population. États-Unis, journée de l'inauguration. C'est une fête qui a été célébrée de 1798 à 1933. Ce jour-là, le président est élu prête serment et prend ses fonctions comme président des États-Unis. Mars, journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle.